إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 7 dans Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Et la semaine dernière, on avait commencé Babun fi Ahkam Izalatin Najasa. On avait expliqué comment on doit enlever les impuretés et comment on doit purifier les choses et les objets et les endroits. Maintenant, on va continuer cette section-là. On n'avait pas terminé. Et puis, Inch'Allah, lorsqu'on aura terminé, on va continuer la prochaine section, Inch'Allah, tout de suite après. الشيخ الذي فالنجاسات هي ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يؤكل أو لا يأكل الطعام، ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسات. Donc le cheikh il dit que les najasat, c'est-à-dire les choses impures, elles sont divisées en trois catégories. Il y en a une catégorie qui est najasatul mughallada, c'est-à-dire c'est une najasa qui est plus difficile à enlever, c'est-à-dire la najasa du chien, hein, de la salive du chien. Donc celle-là il faut la purifier avec 7 fois en lavant le contenant 7 fois, une fois avec de la terre. Il y a al najasa qui est mukhaffafa, qui est une impureté qui est plus légère, c'est l'impureté du jeune garçon, le jeune bébé, un enfant qui est moins de 2 ans et qui n'a pas encore commencé à manger de la nourriture, il allait seulement. Donc celui-là, si par exemple un bébé comme ça urine, si c'est un garçon, eh bien on fait seulement asperger un peu d'eau sur l'endroit où l'urine est tombée. Et ça c'est donc, il y a l'impureté qui est plus lourde et l'impureté qui est plus légère. Donc ça c'est les deux extrêmes. Et le cheikh il dit que le reste des impuretés sont entre ces deux là, c'est-à-dire entre celle qui est plus sérieuse et l'autre qui est plus légère, c'est les autres najasat. Ensuite le cheikh il dit يجب أن تعرف ما هو طاهر وما هو منجس وما هو نجس من أوراث وأبوال الحيوانات. Il dit c'est obligatoire pour toi de connaître ce qui est pur et ce qui est impur des excréments et des urines des animaux. Donc le cheikh il dit فما كان يحل أكل لحمه منها فبوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرينيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. Donc le cheikh il dit que parmi les choses si on veut savoir par exemple les excréments ou les crottes et l'urine de certains animaux, lesquels d'entre ces choses-là sont pures et lesquels sont impures, eh bien la règle en général c'est que si c'est un animal qu'on peut manger, qui est halal à manger pour nous. Donc, dans ce cas-là, ses excréments et leurs excréments et leur urine sont purs. Toutefois, si ce sont des animaux qui mangent de la viande, qui sont carnivores, ou que ce sont des animaux qui sont interdits pour nous de manger, comme le porc ou le chien, ou des animaux comme ça, comme le chat, alors dans ce cas-là, leurs urines et leurs excréments sont impurs, excepté le chat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. On va le mentionner plus tard. Le cheikh il dit fama kana yahillu aklu lahmihi, donc ce qui est permis, si on a permis de manger la viande d'un animal, et ben dans ce cas-là son urine et ses crottes de son ses excréments sont purs. Comme il donne comme exemple le chameau, la vache et la chèvre ou le mouton, des choses comme ça, c'est permis. Ensuite, il dit, et comme preuve de ça, pour prouver ça, c'est qu'il a commandé à des gens qui étaient venus à Médine, dans le hadith on les appelle Al-Urayniyin, et ceux-là ils étaient arrivés à Médine puis ils sont tombés malades, parce qu'on sait que le climat de Médine est très dur, hein. La ville de Al-Madina, son climat est dur. Donc souvent les gens, quand ils vont là-bas, ils tombent malades. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a demandé ou leur a commandé de boire l'urine des chameaux et de boire le lait du chameau également comme remède. Okay? Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est selon Anas ibn Malik. Donc ça c'est le cheikh dit فدل على طهارة بولها لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه فإن قيل إنما أبيح للضرورة قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبني المسجد يصلي في مرابد الغنم وأمر بالصلاة فيها. Donc le cheikh il dit que ce hadith là qui est à propos des Urayniyin qui sont tombés malades et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a commandé ordonné de boire de l'urine et du lait de chameau, ça prouve que leur urine est pas impure et que c'est permis. Comme le cheikh il dit que si c'était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur aurait pas permis de l'utiliser comme un remède, et il ne leur aurait pas permis non plus de boire de leur urine. Donc le cheikh il dit, et si quelqu'un disait par exemple c'était uniquement permis par nécessité, le cheikh il répond à cette objection là en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de nettoyer ou de laver la trace qui est laissée lorsqu'ils allaient faire la prière. Donc ça montre que si c'était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dû leur commander de nettoyer le reste ou les traces de ça par la suite avant de faire la salat, mais il n'a pas fait. Et ensuite il mentionne un autre exemple pour prouver ça. Il dit que وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم, c'est un hadith rapporté par Anas, selon Anas dans Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith là il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, avant d'avoir construit la mosquée, il priait dans l'endroit où on garde les chèvres, un endroit où on garde les chèvres, c'est là qu'il priait. Et il a également compris dans cet endroit-là. Et le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que la chèvre urine à cet endroit-là, donc ça prouve que leur urine n'est pas impure. Et il y a une note ensuite qui dit que le hadith c'est rapporté par Muslim, et le hadith à propos des chèvres, de l'étape des chèvres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé est-ce que c'est permis de prier à l'endroit où on garde les chèvres, et il a dit oui. Donc c'est une permission, mais c'est pas un commandement, d'accord? Donc c'était pas un ordre de prier là-bas, mais uniquement une permission de le faire. Donc ça prouve que c'est pas un endroit impur. Puis ensuite le cheikh il mentionne les paroles de cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et il dit: قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في الأرواح الطهارة إلا ما استثنية. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a dit dans Majmou' al-Fatawa et dans Al-Ikhtiyarat, il dit la base c'est que les crottes des animaux qui sont pures sont pures. Les crottes des animaux qu'on a le droit de manger sont pures, sauf s'il y a eu une exception. Ok? Ou bien, en fait, la citation de Ibn Taymiyyah ici, c'est plutôt plus général que ça. Il dit, à la base, les crottes des animaux, les excréments des animaux sont purs, excepté s'il y a eu une exception. Donc, ça, c'est encore plus général que qu'est-ce que j'avais dit en premier. C'est-à-dire que pour prouver que c'est impur, il faudrait qu'il y ait une preuve. Il faut qu'il y ait une preuve. À la base, c'est pur. Mais pour dire que c'est impur, il faut qu'il y ait un texte pour montrer que c'est impur. Et comme le cheikh l'a expliqué tout à l'heure, la règle, c'est que si l'animal, on a le droit de le manger, donc ses excréments et son urine sont purs. وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه. Donc le cheikh maintenant il parle de qu'est-ce qu'on appelle en arabe as-su'r. Et as-su'r c'est quoi? C'est qu'est-ce que l'animal a mangé et a bu, le reste de ce qu'il a mangé et de ce qu'il a bu. Donc le cheikh il dit que si l'animal on a le droit de le manger, c'est un animal qu'on a le droit de manger, alors dans ce cas-là on a le droit de, pardon, c'est un animal qu'on a le droit de manger, alors ce qu'il laisse d'eau ou de nourriture est pur. D'accord? Ce qu'il laisse de nourriture et de ce qu'il a bu, c'est pur. Donc si par exemple un animal qu'on a le droit de manger, comme par exemple un mouton, par exemple, s'il a bu de l'eau dans un contenant ou dans un bassin, eh ben l'eau devient pas impure à cause du fait qu'il a mangé dans ce ou qu'il a bu dans ce bassin là, d'accord? Et le cheikh il dit également que su'urul hirra tahir, et le reste de ce que le chat a bu également est pur. Ça, c'est contrairement à la règle, c'est-à-dire parce que le chat, bien entendu, on n'a pas le droit de le manger, c'est un animal carnivore, mais il a des crocs et il a des griffes, donc ça fait partie des animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Sauf qu'il y a une exception sur ce fait-là, parce qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas impur. Donc, à cause de ça, on a le droit de dire que ce que le chat a laissé de breuvage ou de l'eau ou bien quelque chose qu'il a bu ou mangé, c'est-à-dire dans ce cas-là, ce serait pas impur. Donc il dit su'urul hirra tahirun li hadith Abi Qatada fil hirra qala innaha laysat binajis innaha min at-tawafina alaykum wat-tawafat رواه الترمذي وغيره وصححه وشبهها بالمماليك من الخدم من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للختمة. Donc le cheikh il dit que le reste de ce que le chat boit, etc., ça c'est le qu'est-ce qu'on appelle as-su'r, et ben ça c'est pur pour le chat, contrairement aux autres animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Et c'est prouvé par un hadith rapporté par Abu Qatada à propos du chat. Et on lui a demandé, quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du chat, et il a dit, elles ne sont pas impures, les chats ne sont pas impures, elles font partie des personnes ou des choses qui tournent autour de vous dans les maisons. comme les servantes et les gens qui travaillent dans la maison et qui sont au service des gens qui travaillent dans cette au service des propriétaires d'une maison, par exemple, lorsqu'ils ont des servantes, et bien les servantes et les servants et tournent autour de la maison tout le temps, sont en train de faire quelque chose, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le chat à ces gens-là. Et en fait, souvent, les gens gardaient des chats dans la maison, c'est pour rattraper les souris quand il y avait des souris, pour pas que les souris commencent à dévaster les cuisines, etc. Donc, le fait qu'il y ait ces chats-là dans la maison, ça protège contre les souris. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés à des servantes. Ensuite, le cheikh il dit, et ولعدم التحرز منها ففي ذلك رفع للحرج والمشقة. Donc il dit que c'est pour enlever la difficulté, puis le fait qu'elles sont toujours autour de nous, puis tout ça, donc ce serait compliqué de toujours vérifier si c'est impur ou pur, qu'est-ce qu'elle touche et non, ou non. Donc dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que c'était pas impur, que ces animaux-là, les chats, sont pas impurs. Ensuite, il dit, wa alhaqa ba'du al-ulama bil hirra ma kana dunaha fil khilqa min tayrin wa ghayrih, fa su'ruhu tahirun ka su'ril hirra bi jami' at-tawaf. Donc le cheikh il dit وَمَا عَدَ الْهِرَّةَ par la suite il dit وَمَا عَدَ الْهِرَّةَ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَسُؤُرُهُ نَجِسْ. D'accord, donc le cheikh il dit que certains ulama ils ont considéré qu'il y a les autres animaux par exemple qui sont plus petits que le chat dans leur création, comment ils sont créés, ils sont plus petits que le chat, comme par exemple des petits oiseaux ou des choses comme ça, qui restent dans des maisons, comme dans des cages ou des choses comme ça, ou bien qui sont des animaux de compagnie, comme on l'appelle. Eh ben, il y en a qui déclarent que, parmi les ulama, qui disent que qu'est-ce qu'ils ont laissé est pur également, en comparaison avec le chat, parce que ils ont compris que tout ce qui est toujours présent avec nous dans la maison et qui tourne autour de la maison tout le temps, eh ben il peut rentrer dans le même verdict ou dans le même jugement que le chat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que pourquoi elles sont pas il a dit elles ne sont pas impures, elles font partie de ceux qui tournent toujours autour de vous. D'accord, donc dans ce cas-là il y en a qui ont voulu entrer d'autres animaux dans le même verdict que le chat dans ce cas-là. Et ensuite il dit, en ce qui concerne tout autre animal que le chat, qu'on n'a pas le droit de manger sa viande, alors dans ce cas-là, ses excréments et son urine et tout ce qu'il laisse de nourriture et de ce qu'il a bu est impur, najis. D'accord? Ça c'est l'explication à ce sujet-là. Puis ensuite il dit, أيها المسلم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Donc le cheikh il dit que ô toi musulman, je t'incite à prendre une grande importance ou à donner une grande importance à la pureté, qu'elle soit intérieure ou extérieure, apparente ou cachée. C'est-à-dire celle qui est cachée, c'est par le tawhid, la pureté dans la foi et la croyance. C'est-à-dire en corrigeant ton tawhid et en faisant preuve de pureté et d'ikhlas, c'est-à-dire de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ta parole et dans tes actions. Que ce soit dans les choses apparentes, comme par exemple la purification des impuretés physiques et des impuretés abstraites aussi. Et le cheikh il dit, parce que notre religion, c'est la religion de la propreté et de la pureté. c'est-à-dire de toute impureté qui soit physique ou abstraite. Et le musulman, il est pur, hein, et il garde toujours sa purification, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, At-tahuru shatrul iman, c'est-à-dire la pureté, c'est la moitié de la foi. Ça, c'est un hadith rapporté par Muslim selon Abi Malik al-Ash'ari. Hein, c'est-à-dire que la purification, c'est la moitié de la foi. Ensuite, le Cheikh dit, Fa'alayka ya Abdallah, bil-ihtimam bit-tahara, wal-ibti'ad 'an al-anjas, faqad akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna 'ammat 'adhab al-qabr min al-bawl. حينما لا يتحرز منه الإنسان فإذا أصابتك نجاسة فبادر إلى تطهيره ما أمكنك لتبقى طاهرا لا سيما عندما تريد الصلاة. Donc le Cheikh il dit, ô toi le serviteur d'Allah, donne une grande importance à la pureté et éloigne-toi de toute chose qui est impure, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la plus grande partie des gens qui seront châtiés dans leur tombe, c'est à cause de l'urine. D'accord? Ce sera à cause de l'urine parce qu'ils ne se seront pas protégés ou préservés des gouttes d'urine. Et comme c'est expliqué dans des hadiths. Et le cheikh il dit, donc si il y a une impureté qui tombe sur toi ou qui t'atteint, et bien dans ce cas-là, précipite-toi pour le purifier. Tant que cela est possible pour toi, pour que tu restes toujours pur, hein, et peu importe, et particulièrement, il dit, si tu veux faire la salah, l'étape tahiran la siyama indama turidu salah. Donc, il dit, regarde comme il faut, fatafaqad halaka min jihati tahara, wa indama turidu dukhulu fil masjid, عندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك فإن وجدت فيها أذى فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. Donc le cheikh il dit, en particulier, il dit, tu dois faire attention à ta pureté lorsque tu veux aller à la prière et que tu veux faire la salat. Donc, il dit, regarde comme il faut en toi-même pour voir, pour être sûr si sur toi il n'y a aucune impureté. Et en particulièrement lorsque tu veux rentrer dans la mosquée, il dit, regarde sur tes sandales, parce que on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé aux sahabes de prier avec leurs sandales dans plusieurs hadiths. Et Allah sallu fi ni'alikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez prié dans vos sandales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit même dans un autre hadith, il a dit, les juifs ne prient pas dans leurs sandales, alors c'est-à-dire faites le contraire d'eux et priez dans vos sandales. Et puis dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné que lorsqu'on rentre dans la mosquée et qu'on a nos sandales, il a dit, il suffit de regarder en dessous pour voir s'il y a quelque chose d'impureté. Et s'il y a quelque chose, tu le frottes sur la terre pour l'enlever. Et puis tu rentres dans la mosquée avec tes sandales. Mais bien entendu, les mosquées sont actuellement tapissées de tapis et tout. Donc, pour éviter que la mosquée se remplisse de saleté, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est préférable de ne pas entrer avec nos sandales ou nos chaussures à l'intérieur de la mosquée. Surtout si, par exemple, quelqu'un porte des chaussures avec des creux en dessous, là, il y a beaucoup de petites lignes creuses, et parfois, beaucoup des impuretés peuvent se loger à l'intérieur de ces fentes-là, et c'est plus difficile à purifier qu'une simple sandale qui est lisse en dessous, par exemple. Donc, il faut faire très attention à ça. Et puis, dans le cas où, par exemple, les mosquées sont pas en tapis, ou par exemple, il y a des endroits où il y a du marbre, et on est certain que, par exemple, il n'y a pas aucune impureté en dessous de nos sandales, etc., Dans ce cas-là, c'est une sunna yani, qui est bien à pratiquer de prier et, ou bien de rentrer dans la mosquée avec nos sandales si c'est possible. Cheikh Mukbil a écrit un petit livre à ce sujet-là justement pour rappeler aux musulmans yani, que c'est une sunna que beaucoup de musulmans ont oublié aujourd'hui. Et il donnait un exemple que yani, subhanallah, maintenant si tu vas par exemple à Mecca et que quelqu'un par exemple fume devant la mosquée, personne va personne en général, les gens vont pas dire par exemple qu'est-ce que cette personne l'a fait, c'est haram. Toutefois, si tu essaies de rentrer dans la mosquée ou de faire le tawaf avec des sandales, tu vas voir automatiquement la réaction des gens et c'est vraiment surprenant. Donc c'est-à-dire que les choses qui sont sunnah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé, les gens regardent ça et ils dénigrent ou bien ils rejettent ces choses-là. Et parfois, ça c'est dû bien sûr à l'ignorance, et parfois, eh ben, quelque chose qui est interdit clairement, eh ben, les gens ils le traitent comme si c'est quelque chose de normal. Donc c'est à cause du, c'est bien entendu, c'est dû à l'éloignement de la sunna puis à l'ignorance également. Donc le cheikh il nous rappelle de cette sunna ici et il dit, donc regarde dans tes sandales et si tu trouves en dessous qu'il y a quelque chose d'impur ou quelque chose de mal ou de sale ou quelque chose comme ça, alors tu les frottes sur la terre et tu fais en sorte que elles deviennent propres et c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de saleté ou d'impureté dessus et ensuite tu rentres avec tes sandales dans la mosquée yani. Mais s'il y a des impuretés, alors tu les nettoies comme il faut. Et donc le cheikh il dit qu'Allah nous donne le succès dans tout ce qu'il aime et dans tout ce qui amène son agrément, des paroles et des actions. D'accord, donc ça y est pour qu'est-ce qui concerne comment enlever les impuretés. Ça c'est le détail. Ensuite également il y a peut-être un petit point aussi que je pourrais juste rajouter comme ça, c'est que si par exemple tu veux enlever une impureté sur une surface lisse qui n'a pas de pore et qui est absolument lisse, comme par exemple une surface comme un miroir ou bien une fenêtre ou bien une surface comme du métal du chrome ou quelque chose comme ça qui est très très lisse, il suffit seulement d'enlever l'impureté et puis jusqu'à ce qu'il reste rien, et puis comme ça c'est pur dans ce temps-là. D'accord. Ensuite, le cheikh il dit babun fi ahkam al hayd wan nifas. Le chapitre en ce qui concerne les règles de démenstruation et des écoulements postnatales. Donc le cheikh il dit awalan al hayd wa ahkam. Premièrement, on va expliquer les menstruations et les règles qui se rapportent aux menstruations. Donc le cheikh il dit premièrement, قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Donc يعني ça c'est le verset dans Sourate Al-Baqarah 222 et ça dit, et il t'interroge au sujet des menstruations des femmes. Dit, c'est un mal. Alors éloignez-vous des femmes durant leur menstruation et ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient devenues pures. Et lorsqu'elles sont devenues pures, alors cohabitez avec elles de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a commandé. Et donc, suivant les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah aime ceux qui se repentent constamment et il aime ceux qui se purifient constamment. Donc, ça c'est le verset qui parle des règles en ce qui concerne la femme lorsqu'elle a ses menstruations. Le cheikh il explique والحيض هو دم طبيعي أو دم نعم دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها فجعل الله له هذا الغذاء، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من اتباع. Donc le cheikh maintenant qu'est-ce qu'il a fait, il a expliqué qu'est-ce que c'est les menstruations, et il a dit que c'est quelque chose de naturel et que c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de cette façon, et ça vient de l'utérus de la femme dans des endroits dans des moments spécifiques, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ça pour une sagesse et dans le but que ça serve de nutrition pour le bébé ou le fœtus lorsqu'il est dans le ventre de la mère, et ça c'est pour éviter justement que la femme perde de sa propre force à elle, et donc c'est une préparation pour le bébé. Et le cheikh il dit c'est pour cette raison là que la femme enceinte donc elle n'a pas de menstruation durant sa grossesse, et lorsque le bébé est né, eh ben cette nutrition là elle se déplace vers les seins lorsqu'elle allaite son bébé par la suite, et c'est remplacé comme un nutriment que la femme donne en allaitant. Et c'est pour cette raison là le cheikh dit, c'est pour cette raison là que une femme en général, la femme lorsqu'elle allaite, elle n'a pas de menstruation. Et donc le cheikh il dit et lorsque la femme a cessé d'être enceinte et qu'elle a pas et qu'elle cesse d'allaiter, et ben là ça revient, hein, ça revient les menstruations. Et le cheikh il dit que ça dure environ en général 6 jours à 7 jours chaque mois. Et ça peut être plus long, parfois ça peut être moins long. Et le cheikh il dit que ça dépend de la femme. Donc ça dépend comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa constitution là, comment il a fait cette certaine femme différente de certaines autres. Donc le cheikh il dit walil ha'id khilal haydiha wa 'inda nihayati ahkam 'inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitab wa sunnah. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les menstruations durant les règles, et en ce qui concerne la durée des règles, et en ce qui concerne sa période et quand est-ce que ça termine et tout ça, il y a des règles et des choses à faire qui sont expliquées en détail dans le Coran et dans la Sunna. Donc il commence à les parler en les expliquant. Il dit al-awwal, les premiers principes à comprendre à ce sujet-là. Il dit من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. Donc le cheikh il dit parmi les règles c'est que la femme lorsqu'elle est menstruée, lorsqu'elle a ses menstruations, elle ne prie pas, elle ne fait pas les salawat et elle ne fait pas le saum, c'est-à-dire ne jeûne pas les jeûnes. Et ça c'est lorsqu'elle a ses règles, et c'est basé sur un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari muslim, et ce hadith est selon Fatima bint Abi Hubaysh, ou bien ça c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ça à cette femme, Fatima bint Hubaysh. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Aïcha, radiyallahu anha. Et lorsque cette femme est venue poser des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des menstruations, il lui a répondu, lorsque tes règles commencent, ou lorsque tes menstruations commencent, laisse la salat, c'est-à-dire tu ne pries pas durant cette période-là. Et ça, c'est une partie du hadith qui prouve que la femme ne peut pas prier lorsqu'elle a ses règles. فَلَوْ صَامَتْ الْحَائِضُ أَوْ صَلَّتْ حَالَ حَيْضِهَا لَمْ يَصِحُ لَهَا صَوْمٌ وَلَا صَلَاةٌ. Si la femme prierait ou jeûnait durant la période de ses menstruations, eh bien, ça ne serait pas valable, ça ne serait pas accepté pour elle. لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ. Parce que le professeur sallam l'a interdit, lui a interdit de faire cela. Et ensuite il dit وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي عَدَمُ الصِّحَّةِ بَلْ تَكُونُ بِذَلِكَ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc le cheikh il dit que l'interdiction ça implique également que si elle le faisait ce serait pas que ce serait pas permis ou accepté ou valable dans ce cas-là. Donc la femme qui aurait jeûné ou prié durant ses règles, elle serait considérée comme étant désobéissante à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh il dit comme deuxième règle, فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي أو تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. Donc le cheikh il dit que lorsque la femme ses règles terminent, يعني qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend les jours de jeûne, mais elle ne reprend pas les salawat qu'elle a manqué durant ses règles. Et ça, c'est selon le consensus des ulama, le consensus des savants. Et Aïcha, radiyallahu anha, elle a dit, lorsque nous étions à la période, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était vivant, durant son temps, on nous commandait de reprendre notre jeûne, mais pas de reprendre notre salat. Et donc ça, c'est un hadith authentique. Et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'accord? Ensuite, la troisième principe, la troisième règle à ce sujet-là. Le cheikh il dit, وَمِنْ أَحْكَامِ الْحَائِضِ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا تَجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع أو حتى ينقطع حيضها وتغتسل. Donc le cheikh il dit que parmi les règles en ce qui concerne les menstruations, c'est que la femme n'a pas le droit de faire le tawaf autour de la Kaaba. Elle n'a pas le droit, le cheikh il dit, n'a pas le droit de lire le Coran. Et à ce sujet-là, yani, j'ai lu une explication qui clarifiait que la femme, elle peut lire le Coran, mais elle ne peut pas le toucher. Et c'était une des explications données par Ibn Hazm. Hein? Ibn Hazm qui disait que les ulama se sont basés sur ça pour dire que la femme ne peut pas lire le Coran durant ses règles, sur le fait qu'ils ont fait un qiyas, une analogie entre la personne qui a eu des rapports sexuels et qui est impure à cause de ça, et entre la menstruation. Et Ibn Hazm a expliqué qu'en réalité c'est un qiyas qui est faux, parce que il y a des grandes différences entre la personne qui est junub, qui a eu des rapports sexuels, et l'autre personne qui est et la femme qui a ses règles. Premièrement, la personne qui est junub, elle peut enlever son impureté lorsqu'elle le décide en prenant un rosul, en faisant le rosul. Donc elle a le choix, elle peut l'enlever selon sa capacité. Tandis que la femme qui a ses règles, elle ne peut pas. Elle ne peut pas décider quand est-ce qu'elle l'enlève, c'est quelque chose qui est déterminé. Donc ça c'est une différence. Et puis également, les shuyukh, ils ont dit que la femme qui reste trop longtemps sans lire le Coran et des choses comme ça dans, pendant ces jours-là, elle pourrait, comme par exemple, oublier, et puis sa foi pourrait baisser ou des choses comme ça. Donc ils disent que elle peut le réciter de sa mémoire, qu'est-ce qu'elle a appris, ou bien lire, mais sans toucher au mushaf. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est une question sur laquelle il y a un khilaf là-dessus. Mais comme le Cheikh a dit, comme Ibn Hazm disait, que il n'y a pas vraiment une preuve pour dire qu'elle ne peut pas le faire, excepté un qiyas qui n'est pas vraiment solide. Ensuite, le Cheikh il dit, wala tajlisu fil masjid, elle ne doit pas rester dans la mosquée. Et yahrumu ala zawjiha wa tuha, son mari n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle dans fil farj, c'est-à-dire dans les parties génitales, par les parties génitales, jusqu'à ce que les règles soient terminées et qu'elles se soient purifiées et qu'elle ait fait son ghusl. Et il mentionne comme preuve de ça le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 222 qui dit, et elle vous demande, comme on a dit tout à l'heure, elle vous demande au sujet des règles, etc. Donc la partie du verset c'est wala taqrabuhun, et ne vous approchez pas d'elle jusqu'à ce qu'elle soit devenue pure. Ok. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit fa'tazilu an-nisa, c'est-à-dire écartez-vous, hein, ou éloignez-vous des femmes durant leurs règles ou durant leur menstruation, et ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles se soient purifiées ou jusqu'à ce qu'elles soient devenues pures. D'accord. Et lorsqu'elles sont devenues pures, alors cohabitez avec elles et vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elle comme Allah vous a permis de le faire. Et le Cheikh dit wa ma'na al-i'tizal tarku al-wat', c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit et éloignez-vous des femmes, hein, fa'tazilu an-nisa, qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset là ça veut dire de ne pas avoir un rapport sexuel, c'est-à-dire la pénétration ou bien le coït comme on dit en français, c'est-à-dire l'acte sexuel elle-même. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a clarifié, comme le cheikh le mentionne, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam isna'u kull shay'in illa an-nikah, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites tout excepté l'acte sexuel ou le rapport sexuel le rapport sexuel. Rawahu al-jama'a illa al-Bukhari, c'est rapporté par les savants de hadith excepté Al-Bukhari, c'est-à-dire Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Dans un autre hadith, c'est mentionné, dans une autre version, c'est mentionné Illa Al-Jima', c'est-à-dire faites tout excepté d'avoir le rapport sexuel, c'est-à-dire la pénétration des deux organes génitales ensemble. Et en dehors de ça, tout est permis entre l'homme et sa femme. C'est-à-dire, Cheikh dit yajouz les zawjin, ça c'est le quatrième point, yajouz ou les zawjin ha'id, an yastamti'a minha bighayr al-jima'i fil farj kal-qubla wal-lams wa nahwi dhalik. Donc, le Cheikh il dit que c'est permis pour le mari de la femme dont sa femme est à ses périodes ou ses menstruations de jouir de tout le corps de sa femme, excepté d'avoir des rapports sexuels par le vagin. Et puis, bien entendu, l'anus, c'est pas permis, comme on le sait. Ça, il a dit dans un hadith authentique, « Man ata imra'atahu fi duburiha faqad kafar », celui qui prend sa femme par l'anus, ben, il a fait un acte qui est un kufr, donc un acte de kufr. Et bien entendu, c'est un kufr asghar ici, c'est un kufr mineur et non majeur. Donc c'est permis pour lui d'avoir des rapports avec sa femme excepté l'acte sexuel. D'accord? Donc il peut l'embrasser, il peut la caresser, il peut faire tout avec elle. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit dans un hadith que lorsqu'elle avait ses règles, elle mettait un genre de hizar, hein, ou quelque chose autour de sa taille jusqu'à ses genoux, et elle portait ça autour de sa taille lorsqu'elle avait ses règles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait faites tout ce que vous voulez excepté d'avoir le rapport sexuel dans les parties génitales. À part ça, tout est halal. D'accord. contrairement yani, aux autres comme les juifs par exemple qui eux ont aucun contact avec les femmes durant ces périodes là yani. Ensuite le cheikh il dit comme cinquième principe ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات غير من غير جماع donc le cheikh il dit comme cinquième règle que ce n'est pas permis à un homme de divorcer sa femme alors qu'elle a ses menstruations c'est interdit de divorcer sa femme lorsqu'elle a ses menstruations. Et il mentionne comme preuve de ça le hadith qui dit au prophète lorsque vous divorcez vos femmes, divorcez-les conformément à leur période d'attente, à leur idda. Et le cheikh il explique que la signification de ça ici c'est quand elles sont pures et que vous n'avez pas eu des rapports sexuels avec elles. Donc ça veut dire, ça explique en même temps les conditions pour pouvoir divorcer, c'est-à-dire que on peut pas les divorcer lorsqu'elles ont leurs règles ou leur menstruation, et si elles n'ont pas leur menstruation, c'est-à-dire qu'elles sont pures, et qu'on a eu des rapports sexuels avec elles, il faut attendre à une prochaine menstruation et qu'elles se soient purifiées encore, pour qu'on puisse les divorcer, c'est-à-dire tu peux pas la divorcer, soit si elle a ses règles, tu peux pas la divorcer, ou si tu as eu des rapports sexuels avec elle alors qu'elle a pas ses règles, dans ce cas-là tu peux pas la divorcer non plus. Il faut attendre qu'elle ait ses règles et qu'elle se soit purifiée. Donc ça c'est une règle que beaucoup de musulmans savent pas. Ils divorcent leurs femmes même quand elles sont menstruées ou quand elles ont leur menstruation, et ça c'est quelque chose vraiment contraire à la sunna. Et le cheikh il dit وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضْ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا حَالَ طُهْرِهَا إِنْ أَرَاد. Donc le cheikh il dit en mentionnant l'exemple d'Abdullah ibn Omar en fait qui avait divorcé sa femme alors qu'elle avait ses règles. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit à Ibn Omar, reprends-la, reprends ta femme et yani, attends qu'elle se soit purifiée, attends qu'elle ait eu ses règles et qu'elle se soit purifiée, et là ensuite tu pourras la divorcer. Mais tu ne peux pas la divorcer si elle a ses règles. Donc ça c'est une preuve et c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, et donc c'est un hadith authentique, et donc ça défend la position des ulama qui disent que de divorcer une femme lorsqu'elle a ses règles c'est pas accepté et ça compte pas. Il y en a qui disent que c'est un talaq, en fait c'est une des formes de talaq qui est haram, et on l'appelle talaq al-bid'i, c'est-à-dire un talaq qui est contraire à la sunnah. Et donc ça c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de musulmans ils connaissent pas. Le cheikh ensuite il dit وَالطُّهْرُ هُوَ انْقِطَاعُ الدَّمُ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا فَقَدْ طَهُرَتْ وَانْتَهَتْ مُدَّةِ حَيْضِهَا وَانْتَهَتْ مُدَّةَ حَيْضِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْاِغْتِسَالُ ثُمَّ تُزَاوِلُ مَا مُنِعَتْ مِنْهُ بِسَبَبِ الْحَيْضِ. Le cheikh il dit que at-tahur c'est quoi? C'est quand le sein a cessé de sortir, d'accord? Quand le sein cesse de sortir, de couler. Et lorsque le sein termine, eh ben là elle est devenue pure et sa période de menstruation est terminée, et il devient obligatoire pour elle de se laver ou de se purifier, de faire le ghusl. Et ensuite elle pourra faire tout ce qui lui était pas permis de faire à cause de ses menstruations. Donc le cheikh il dit ensuite wa in ra'at ba'da at-tahri kudratan aw sufratan lam taltafit ilayha liqawli umm 'atiyah radiyallahu anha kunna na'udd al-kadra wal-safra. كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا رواه البخاري وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et d'autres, hein, qui explique que, comme le cheikh il dit, que lorsque la femme voit, après avoir terminé ses règles et après s'être purifiée, si elle voit des petites traces, comme par exemple jaune ou d'une autre, quelque chose qui n'est pas vraiment comme les règles, dans ce cas-là, la femme elle ne doit pas s'attarder à ça. Elle ne doit pas s'y attarder comme étant des menstruations. C'est juste, c'est-à-dire quelque chose qui est d'une couleur terne, ou bien qui est, disons, d'une couleur jaune. Eh bien, si c'est quelque chose de léger comme ça, tu fais comme si rien n'était. Et puis, il donne exemple du hadith qui est rapporté par Umm Atiya, qui dit que, c'est-à-dire, on ne considérait pas ces choses-là. On considérait ces choses-là comme si c'était rien du tout. Donc, et ça, c'est considéré comme une preuve parce que c'est une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est considéré comme étant une preuve. Et maintenant, le cheikh, il explique et il dit « إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ومن طهرت منها أو منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت صلاة أو وقت للصلاة الأولى في حال العذر. Donc le cheikh ici il explique un principe qui selon moi est ignoré par plusieurs femmes. Wallahu a'lam. Peut-être que c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que parfois c'est mal compris. Ça dit que lorsqu'une femme a cessé d'avoir ses règles, ok, ou bien nufasa, une femme qui a des écoulements postnataux, elle a cessé d'avoir ses règles avant le coucher de soleil, c'est obligatoire pour elle de prier le dhuhr et l'asr ensemble de ce jour-là, et non pas seulement l'asr, le dhuhr et l'asr. Et si par exemple elle a cessé d'avoir ses règles, si elle s'est purifiée de ses règles ou bien de ses écoulements postnataux avant l'aube, donc si elle s'est purifiée avant l'aube, c'est obligatoire pour elle de prier Al-Maghrib et Al-Isha de cette nuit-là, et non pas seulement Al-Isha, parce que le cheikh il dit que ça, hein, c'est le temps de cette prière-là pour les gens qui ont une excuse. Et on sait que on peut réunir deux prières ensemble, on peut réunir Al-Dhuhr ou Al-Asr ensemble, et on peut réunir Al-Maghrib ou Al-Isha ensemble. Donc c'est, si on, la femme a terminé ses règles dans la période, par exemple elle a passé toute la période de Dhuhr, elle avait encore ses règles, ensuite la prière de Asr est arrivée, et puis là avant le coucher du soleil ses règles sont terminées, là elle s'est purifiée, et bien elle doit faire Al-Dhuhr et Al-Asr ensemble. Là, si par exemple c'est durant la nuit, supposons qu'elle se lève durant la nuit et qu'elle réalise que ses règles sont terminées, ses menstruations sont terminées durant la nuit, avant que l'aube soit levée, dans ce cas-là, elle fait Al-Maghrib et Al-Isha ensemble. Hein? Et le cheikh il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا كان جمهور العلماء كمالك الشافعي وأحمد يقولون إذا طهرت الحائض في آخر النهار وصلت الظهر والعصر جميعا صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا. Donc le cheikh il dit, ça c'est la position de la majorité des ulama comme Malik et Shafi'i et Ahmad. Ils disent que la femme, si elle s'est purifiée à la fin de la journée, eh ben, c'est-à-dire avant le coucher de soleil, elle prie al-Dhuhr et al-Asr ensemble. Et si elle s'est purifiée avant la fin de la nuit, c'est-à-dire avant l'aube, et bien dans ce cas-là, elle prie al-Maghrib et al-Isha ensemble. كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريره وابن عباس c'est rapporté par des sahabi comme عبد الرحمن بن عوف ابو هريره et ابن عباس لان الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر parce que c'est le temps de ces deux prières là est commun c'est un temps commun pour les gens qui sont excusés et dans ce cas là on peut dire que la femme qui a ses règles elle est excusée. Donc, c'est un temps qui est commun pour Dhuhr al-Asr et un temps qui est commun pour Al-Maghrib et Al-Isha. فَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَوَقْتُ الظُّهْرِ بَاقٍ Donc, si elle s'est purifiée à la fin de la journée, alors le temps de Dhuhr, il demeure encore. Donc, si elle s'est purifiée avant le coucher de soleil, dans la période de l'Asr, avant le temps de Dhuhr, demeure. فَتُصَلِّهَا قَبْلَ الْعَصْرِ Donc elle le prie, elle prie le dhuhr avant l'asr. فَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَقْتُ الْمَغْرِبِ بَاقٍ فِي حَالِ الْعُذْرِ فَتُصَلِّهَا قَبْلَ الْعِشَاءِ Donc la même chose pour la fin de la nuit si elle prie, si elle se purifie avant l'aube. Alors dans ce cas-là, le temps de maghrib demeure pour les gens qui sont excusés, pour les gens qui ont une excuse. Alors dans ce cas-là, c'est permis pour elle, et non pardon, dans ce cas-là, elle doit prier le Maghrib avant de prier Al-Isha. Et ça c'est la fin de la citation de Ibn Taymiyyah, et c'est tiré de Majmu' al-Fatawa. Ensuite, le Cheikh il dit, « Amma iza kana, amma iza dakhala alayha waqtu salatin, thumma hadat, aw nafisat, qabla an tusalli, fal qawlu rajih, أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. Donc ça aussi c'est un autre point que peut-être certaines femmes ignorent. Et يعني le cheikh il dit que par exemple, on va dire que c'est la prière de Asr qui est rentrée. D'accord? Là la prière de Asr est rentrée. Et là la femme, elle a attendu, supposément, on va dire qu'elle attend une heure avant de prier, ou une demi-heure avant de prier l'Asr. Et durant cette demi-heure, elle commence à avoir sa période. Elle n'a pas prié l'Asr. Donc, le cheikh, il dit que selon la position qui est la plus correcte, elle n'a pas à refaire cette prière qu'elle n'a pas priée au début de son temps. Donc quand elle va terminer sa période de menstruation et qu'elle va se purifier, elle n'a pas à reprendre cette prière-là qu'elle n'a pas faite. C'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit « قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر جديد هنا يلزمها بالقضاء لأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. Donc le cheikh il dit que ici c'est la position qui est plus claire, c'est selon la preuve, hein, fait dalil, selon la plus proche de la preuve, qu'est-ce que Ibn Taymiyyah explique ici, c'est la position du madhhab de Abu Hanifa et de Malik qui dit qu'elle n'a pas à reprendre cette prière là parce que elle n'a pas retardé de façon à faire un péché. Donc dans ce cas-là, tant qu'elle était dans le temps qui était permis pour elle de faire la prière et qu'elle ne l'a pas fait, et bien dans ce cas-là, elle n'a pas à refaire la prière. Après, il dit أَمَّا النَّائِمْ أَوْ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُفَرِّطٍ أَيْضًا فَإِنَّ مَا يَفْعَلُهُ لَيْسَ قَضَاءً بَلْ ذَلِكَ وَقْتُ صَلَاةٍ فِي حَقِّهِ حِينَ يَسْتَيْقِذُ أَوْ يَذْكُرُ Il dit, en ce qui concerne la personne qui dort, ou la personne qui a oublié sa prière, et bien dans ce cas-là, elle n'est pas elle n'a pas négligé quelque chose parce qu'elle dormait et elle avait oublié. Et donc, dans son cas, c'est pas comme si elle reprenait quelque chose. En réalité, c'est comme si elle le faisait dans son temps. Pourquoi? Parce qu'elle dormait. Et dans son, pour la personne qui dort ou qui avait oublié, eh ben, le temps de la prière, c'est quand elle se réveille, et que, ou bien quand elle se souvient. D'accord? Donc, c'est comme si la personne qui se réveille et qui prie une prière, eh ben, c'est comme s'il a prié dans son temps. Et l'autre qui a oublié, eh ben, quand il se souvient, il l'a fait, c'est comme s'il a prié dans son temps. Bien entendu, c'est pas comme si quelqu'un qui fait exprès de dormir, par exemple, disons 5 minutes avant la prière, puis il sait qu'il va manquer la prière s'il dort. Donc ça, c'est bien sûr, c'est des cas clairs, dans des cas comme ça. D'accord. Donc, ensuite, j'espère que tout est clair quand même, le plus possible. Je sais que c'est des sujets qui sont assez compliqués, mais on essaie, non? On fait ce qu'on peut, Inch'Allah, pour le rendre plus clair. Bien entendu, c'est un résumé que le cheikh donne. C'est pas toutes les questions détaillées de chaque point de ce sujet-là, parce que c'est vraiment plus long que ça en réalité. Mais là, il ne fait que donner les grandes lignes et de résumer de façon à simplifier puis à clarifier un peu les principes de base. D'accord? Donc ça y est pour aujourd'hui, je crois. On va s'arrêter ici pour les règles de démonstration. Demain, Inch'Allah, on va compléter et on va parler du sujet qui est de al-mar'a al-mustahada ou al-istihada, c'est-à-dire la femme qui dont les règles dépassent la durée habituelle, c'est-à-dire qu'elle a toujours un écoulement de sang qui dépasse son temps habituel, et c'est pas causé par les menstruations, c'est une veine qui fait sortir du sang, ou une sorte d'hémorragie, quelque chose comme ça. Et donc ça a par rapport avec c'est-à-dire c'est pas du sang de la menstruation. Et on va expliquer les règles qui se rapportent à ce cas-là, puis on va également parler, Inch'Allah, des écoulements post-nataux, c'est-à-dire après l'accouchement. Et puis, donc ça va être, d'après moi, ça va être le sujet dont on va parler demain, Inch'Allah. Et puis, la semaine prochaine, on commencera le livre de la Salat, Inch'Allah, Kitab al-Salat. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزادكم الله حرصا على كل خير وعلى العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين